Join me on RIC. RIC. Oh, la marche, c'est un contrôleur de Nexo. RIC 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet et nous approchons des 400 sagas faites ici sur RIG. C'est la 399e ce soir. Nous sommes le 16 janvier, c'est pour vous prouver que c'est bien en direct. Et c'est de 20h à 22h tous les mercredis seulement sur RIG 90.7. Ou si vous nous écoutez par le moyen du web, c'est sur www.rigfm.fr. La saga des Fab Four, c'est une émission qui concerne John, Paul, Ringo et George de 1962 jusqu'à nos jours. Et là, cette semaine, eh bien, écoutez bien, je dois vous donner des circonstances pour vous dire pourquoi j'ai décidé de faire une spéciale 100% Beatles. La semaine dernière, je suis allé dans, vous savez, la superbe crêperie au style Beatles qui se trouve à Talence. Je vous en avais déjà parlé. Et ils avaient invité un groupe qui s'appelle les Small and Tall, qui nous ont fait un concert fabuleux, deux sets absolument fabuleux de reprises de Beatles. D'ailleurs, on écoutera une de leurs reprises dans cette émission. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, tiens, eh bien, puisqu'ils ont fait que du Beatles pendant toute la soirée, eh bien, nous allons faire du Beatles également aujourd'hui dans la saga des Fab Four ici à Blanquefort. Donc, eh bien, merci à vous. Merci à vous, les Small and Tall. J'espère qu'on re-entendra parler de vous et j'espère que vous reviendrez dans la crêperie là, à Talence parce que c'est vraiment fabuleux. Et nous allons commencer l'émission avec John, Paul, Ringo et George. Je vous donne les cinq premiers. Allez, c'est juste parce que c'est vous. On va commencer par I Feel Fine. Eh oui, je me sens bien. En 1964, c'est un 45 tours. Il y aura également Here Comes the Sun, extrait de l'album Abbey Road. On continuera avec And I Love Her, encore en 64, sur A Hard Day's Night. Il y aura Dig a Pony sur l'album Let It Be. Et la cinquième, allez, comme ça, The Fool on the Hill, en 1967, sur l'album Magical Mystery Tour. Pour le reste, il y a 35 chansons de programmer. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout. On verra bien. Vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes d'RIG. Ce soir, ce sont les Beatles à l'honneur. 100% Beatles. On commence avec le fameux Larsen trouvé par les Beatles. I Feel Fine. Things you know, he buys the diamond rings, you know, she said so. John dit « J'ai vraiment écrit « I feel fine » autour du riff que l'on entend dans le fond », déclare John donc en décembre 64. C'est d'ailleurs un effet que j'aurais voulu répéter sur toutes les chansons de l'album, mais les autres n'ont pas voulu. Je leur ai dit que j'allais écrire une chanson sur ce riff, ils m'ont répondu « Bah pourquoi pas, vas-y », puisque de toute façon l'album était presque terminé. On parle de l'album « Hard Day's Night » puisque nous sommes dans cette époque-là. Donc je suis arrivé au studio un matin, j'ai dit à Ringo « La chanson est finie ». Elle n'est pas terrible, ça c'est le John habituel, mais nous avons essayé quand même et on l'a joué en entier avec le riff et elle sonnait comme un bon 45 tours, alors on l'a sorti comme ça. En plus de ce riff, la chanson se distingue par le feedback, j'ai dit Larsen, c'est plutôt feedback, qui vient s'inscrire au milieu de l'intro. Il s'agit de l'une de ses découvertes qu'il faisait en studio, qu'il jugeait intéressante et intégrée sur un titre parce que ça leur plaisait. Ces expériences marquent un changement subtil dans leur approche de l'enregistrement. Ils maîtrisaient maintenant les bases du travail en studio et encourageaient George Martin à les emmener plus loin, à leur faire découvrir de nouvelles sources d'inspiration dans des sons qui jusqu'ici avaient été considérés comme des erreurs et effacés, genre mauvais réglage, problème de bande magnétique, bruit de fond, etc. Le feedback allait rapidement faire partie intégrante du rock, utilisé tout particulièrement par Jimi Hendrix et les Who, mais John fut très fier du fait que les Beatles avaient été les premiers à effectivement graver un feedback sur le vinyle. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson. It's been a

hill. 8 days a week is not enough to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me. Show I care, love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl, love you all the time. Hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days. Petit fait curieux sur cette chanson. Ringo Starr a eu souvent des paroles un petit peu surprenantes qui ont inspiré les Beatles. Par exemple, Tomorrow Never Knows, c'est une expression qui est due à Ringo Starr. Il avait également, lorsqu'il sortait d'une séance d'enregistrement, il pensait qu'il faisait encore jour. Donc, il commence à dire « It's been a hard days » et puis il se rend compte qu'il fait nuit « This night ». It's been a hard day's night, donc c'est une, ça a été une drôle de, une dure jour-nuit. Ça veut rien dire, mais c'est quand même drôle. Eh bien là, il y a deux possibilités, je vous donne les deux versions. On dit que, sur le bouquin que j'ai, que l'expression 8 days a week, 8 jours par semaine, est due à Ringo, qui se plaignait du rythme effréné qui leur était imposé depuis le début de l'année. Paul l'a saisi au vol et décida de l'intégrer dans une chanson, de la même façon donc que John, je l'ai dit, avait réutilisé Hard Day's Night. Mais j'ai aussi une autre anecdote sur la même chanson qui prétend que c'est un chauffeur de taxi. Paul lui avait dit « Vous travaillez beaucoup ?»« Ah oh, ouais, je travaille 8 jours par semaine. » Et ça lui avait plu, l'expression lui avait plu. Alors laquelle est vraie ? Il faudrait vérifier sur des citations de Paul lui-même pour être certain d'avoir la bonne. Quant à 8 Days a Week, c'est la première chanson à utiliser le fading en intro plutôt qu'en conclusion et il fut considéré comme un 45 tours possible jusqu'à l'enregistrement de I Feel Fine. Elle sortit finalement en 45 tours aux États-Unis et grimpa en tête des hit parades. Mais oui, et tant mieux. Ringo Starr sur RG, sur l'album blanc Don't Pass Me By. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear. On my old front door, I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantelshelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, or why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. Well, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. on you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go, don't pass me by. Sur notre radio, on dirait Ringo Starr 100% d'encore. Alors on continue avec Ringo. Live the man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. À l'époque de ce 45 tours, enfin de cette chanson, je voulais dire, les effets spéciaux, ça tenait à quelque chose de simple. Le bruit de bulle que vous entendez, c'est un verre d'eau, une paille dans le verre d'eau, un micro pas loin, et pff, on souffle, voilà, tout simplement. Et c'est une chanson composée principalement par Paul McCartney, donnée à Ringo Starr, bien entendu, qui a été reprise quand même, l'air de rien, parce qu'il savait faire des comptines pour enfants, le père McCartney. Il sait le faire même, d'ailleurs, il sait toujours le faire. Et elle a été reprise par les compagnons de la chanson, et par Maurice Chevalier, par exemple, en français, sous le titre « Le sous-marin vert ». Oui, parce que c'est vert comme la mer. Voilà pourquoi ils ont changé la couleur du sous-marin. « spend my days in conversation, please remember me, Martha, my love. Don't forget me, Martha, my dear. Mais c'est pas grave, chef d'œuvre, messieurs, dames. I am the Walrus sur RIG. Yeah. service of a villain. You kissed the bicycle of my mistress, dad just would retire. Un spécial 100% Beatles ce soir, tout ça parce que la semaine dernière à la crêperie Twist and Crepe pardon, de Talence, crêperie Beatles, je suis allé voir un super concert de Small and Tall qui reprennent les Beatles. Et puisque j'ai parlé des Small and Tall, je veux vous prouver qu'ils sont vraiment très bons. Ils m'ont fourni gentiment une de leurs chansons, une de leurs reprises. Voici la reprise de I Want to Hold Your Hand par les Small and Tall. Et ça n'est que des répétitions, c'est drôlement bien. Écoutez.

to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, remémore ce soir les meilleures chansons des Beatles, enfin les meilleures, c'est difficile, ça ne dure que 2 heures la saga des Fab Four, donc forcément il a fallu que je fasse des choix et ça a été pénible parce que sinon j'avais encore le moyen de vous proposer 2 heures de plus, sans problème. En voici une autre, une belle, une chanson qui montre que Harrison pouvait être l'égal de Paul ou John sur la fin des Beatles vers 68-69. Voici en 69 sur l'album Abbey Road, Something, très très belle chanson de George Harrison. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.

Lorsque Paul a eu 64 ans, j'espérais une tournée du genre « Now I am 64 ». Et puis non, parce qu'il faut comprendre Paul McCartney. Paul McCartney ne va pas avoir 77 ans cette année, non. Paul McCartney a toujours 15 ans depuis le début et il ne changera jamais. Il a 15 ans dans sa tête et il arrive quand même à nous bluffer parce que moi, la dernière fois que je l'avais vu en concert, je me rendais compte que j'ai 22 ans de moins que lui et j'étais plus fatigué que lui à la fin du concert. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il donnait. Alors donc, ce gars-là a une énergie incroyable, il adore être en concert et il ne fera jamais, enfin il n'aurait jamais pu faire une tournée « Now I am 64 ». Même s'il peut chanter la chanson. Et puis lorsqu'on lui demande au sujet de ses chansons Beatles, s'il en a pas un petit peu marre de les chanter et tout ça, il répond ben « Non, parce que quelquefois quand je me rends compte que, par exemple, « When I'm 64 », le gars qui a composé ça avait 24 ans. Puisque 25 ans, puisque c'était en 1967, et c'était l'âge de Paul McCartney à l'époque. Et quelquefois, il se dit, eh, c'était pas mal quand même. Merci Paul McCartney pour tout ce que tu fais. Continue. Yeah. Si vous avez pris l'émission en cours, vous êtes sur RIG 90.7. Également, si c'est sur le net, c'est sur www.rigfm.fr. Et c'est l'émission La Saga des Fab Four, une émission qui existe depuis 1984. Et oui, c'est la 35e année déjà. C'est dingue, on fêtera les 40 ans. J'espère qu'on arrivera jusque-là. J'espère que rien ne se passera qui m'empêchera de faire ça. Et que vous serez toujours à l'écoute. Je vous le souhaite et je me le souhaite. Et nous rendons hommage à John, Paul, Ringo et George en faisant un 100% Beatles pour cette 399e édition ici sur RIG de la saga des Fab Four. Ce que j'aime dans le registre vocal de Paul McCartney, c'est qu'il est capable de hurler comme la chanson précédente, Oh Darling, ou alors d'être suave, gentil, cool, une chanson qu'il se sent obligé de chanter quand il vient en France. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. This garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. En 1969, Octopus's Garden sur RIG. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'il était parti faire un petit tour, Ringo, parce que en 69, il y avait de grosses dissensions dans le groupe, notamment, entre autres, pour des affaires de sous, entre autres, pour des affaires de Yoko, entre autres, pour des affaires de pas assez de place pour George sur un album, entre autres, pas avec des ambitions différentes, avec un Paul qui avait envie de retourner sur scène alors que les autres ne voulaient pas. Bref, il y avait des tas de raisons de changer de cours et d'aller prendre l'air un petit peu. Et c'est ce qu'a fait Ringo. Il est parti sur un bateau et puis on lui a parlé du poulpe, on lui a fait manger du poulpe, etc., etc. Et il a composé cette chanson avec un petit peu d'aide de son ami George Harrison et c'était très, très bien. Merci Ringo et merci à vous d'être là chaque mercredi entre 20h et 22h pour la saga des Fab Four. Et peut-être même que vous pourriez inviter votre mère à écouter parce que votre mère devrait savoir. Ouais, c'était téléphoné, c'était facile. Your mother should know sur RG. Before your mother was born, though she was.

Bon, tout à l'heure, des chefs-d'œuvre qui venaient de Paul McCartney, il n'y a pas de raison. On remet la balance de l'autre côté. Voici des chefs-d'œuvre qui viennent de John Lennon sur RIG. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Ce sera Eric et Johnny de A à Z, mais on reste dans les chefs-d'œuvre. Eric est un chef-d'œuvre, pas en péril du tout, avec Strawberry Fields Forever sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding. Strawberry fields.

3 heures au moins, ce serait bien. Allez, merci à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Dans quelques instants, Johnny de A à Z, animé par Eric. Ça va être très, très, très, très bien. Salut, bisous aux filles, pour les mots aux garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Et la semaine prochaine, ce sera la 400e. La 400e. Ciao.